Yo, she on the track, bitch. Hey, hey, hey, hey. Risque, T'es mort, comme le mec sur mon paquet de cigarettes. T'es mort, comme le mec sur mon paquet de cigarettes. T'es mort, comme le mec sur mon paquet de cigarettes. T'es mort, comme le mec sur mon paquet de cigarettes. Mitraillette, direct dans ta tête. Tu pètes tes dettes ou t'es dead. Comme le mec sur mon paquet de cigarettes. Mitraillette, direct dans ta tête. Tu pètes tes dettes ou t'es dead. Comme le mec sur mon paquet de cigarettes. La menace arrive du ciel. Les mauvaises nouvelles ont des ailes. Pour stopper un méchant avec un gros flingue, faut juste un bon gars avec un gros flingue. Coussin sur ta joue pour étouffer le bruit du tocaref russe. Ou je mets un coussin sous tes genoux, faut bien que tu sois à l'aise quand tu me suces. Il n'y a pas d'heure, fuck le coucou. Je mets le produit chez la nounou. Bébé s'endort, je nettoie mon joujou. Je place une seule dans son doudou. Ça sent la fouille au fond de ma grotte. T'as des poils de couille au fond de ta gorge. Je suis le prince et je suis le roi. Et toi tu bois dans mon rince-doigt. Hey, 9-3, 11-43, dans ton tarma zamel. Dès qu'elle me voit, elle se dit direct, ça ne rentrera jamais. D'un 09, des 9 tout 9, c'est la recette de ce putain de refou. 99, 57, numéro d'écrou. T'es mort, comme le mec sur mon paquet de cigarettes. T'es mort, comme le mec sur mon paquet de cigarettes. T'es mort, comme le mec sur mon paquet de cigarettes. T'es mort, comme le mec sur mon paquet de cigarettes. Mitraillette, direct dans ta tête. Tu pètes tes dettes ou t'es dead. Comme le mec sur mon paquet de cigarettes. Mitraillette, direct dans ta tête. Tu pètes tes dettes ou t'es dead. Comme le mec sur mon paquet de cigarettes. Je me crée une tige, je pense aux moyens que je vais déployer pour te faire dévisser la tête. Je tourne en rond comme une peine à deux chiffres, 40% on appelle aux assiettes. Mes chaussures brillent comme une boule à facettes. Musique violente, nous on bousille la fête. On fout la merde, on veut que la recette. On trouve l'abdomen et on trouve l'assassin. Qu'un travesti en toute modestie, moi je suis le penalty dans la violence aggravée. Je voulais me faire l'instit, je remercie le ciel d'être encore debout avec tout ce que j'en ai bavé. Je fais un peu de peur à beaucoup de politique. T'es un peu trop serein dans ton survêt Gucci. Le clock est trop gros pour une chemise fitée. Je dors sur mes deux putains d'oreilles et mes outils. 365 sur les nerfs. Ma watch va pas perdre un euro. 365 sur ta mère. Surdimensionné comme ton ego. Plus rien à secouer. J'fous ma haine au carré. Si petit mais si grand comme ce foutu globe. Plus rien à foutre, plus rien à branler. J'fais les méfus comme une petite clope. T'es mort, comme le mec sur mon paquet de cigarettes. T'es mort, comme le mec sur mon paquet de cigarettes. T'es mort, comme le mec sur mon paquet de cigarettes. T'es mort, comme le mec sur mon paquet de cigarettes. Mitraillette, direct dans ta tête. Tu pètes tes dettes ou t'es dead. Comme le mec sur mon paquet de cigarettes. Mitraillette, direct dans ta tête. Tu pètes tes dettes ou t'es dead. Comme le mec sur mon paquet de cigarettes.